Écoute ça, ça fait Oh, il faut taper dans les mains. Stop. Quelqu'un écoute de la musique classique ici? Tout le monde. Ouais, c'est dommage. Ouais. Ça s'entend en fait. C'est... Tu sais, dans la musique classique, on te fait taper un peu dans les mains. Oh non, pas du tout, j'ai des conneries. Si, à la fin du spectacle. Mais tu sais, dans la musique classique, on te fait compter souvent, on te fait faire 1, 2, 3, 4. Et ça, ça balance pas trop, tu sais. Alors si tu fais plutôt 1, 2, 3, 4 là. Tout le monde, ça serait très sympa. Si, sauf si vous avez pas de main, hein. Là, on comprend bien. Rock me, baby. Rock me. Ok, on continue pour voir. Tu leur fais faire n'importe quoi, t'as vu? Rock me, baby! Rock me all night long! Rock me, baby! Only rock me all night long! Yeah. Rock me, baby! Oh, like my back ain't got no bone! Mr. Matt. Moi. Monsieur Barfugiano. Bah, de rien. Merci beaucoup. Et maintenant, maintenant, on voudrait faire quelque chose d'autre. Tu sais, les gens, ils pensent souvent que le blues est une musique triste et chiante. Il faut arrêter de penser. Eh ben c'est vrai. Mais pas tout le temps. Petite page de pub. Une chanson qui sera sur notre prochain album qui sortira le 20 mars chez tous les bons disquaires. Le 20 mars chez tous les bons disquaires. Le 20 mars. Et donc si jamais vous n'avez pas le sous, le 20 mars vous pouvez faire des souscriptions maintenant, ce soir. Donc voilà. C'est vrai, pour la modique somme de 13 euros, vous pour les femmes, vous pouvez laisser votre numéro. Et on se fera un plaisir de vous rappeler.